show à Osaka. Des gâcheries avec les geishas, Japon, t'es pas tout à fait ça. T'es pas tout à fait ça. T'es pas tout à fait ça. Et du sexe qui sent bon le cadom. L'aquavite pour requin qu'est l'homme. Suède, t'es pas tout à fait ça. T'es pas tout à fait ça. T'es pas tout à fait ça. Ah. Un béret sur la tour. Du 11 degrés à l'arc-en-ciel. Poulopo qui a perdu ses ailes. La France, t'es pas tout à fait ça. T'es pas tout à fait ça. T'es pas tout à fait ça. Ah ah. Président. Une mafia sans un Sinatra. Des Manson et des Lolita. You est-ce que pas tout à fait. Ah. T'es pas tout à fait ça. T'es pas tout à fait ça. Ah. Hey. Hors des lois. Et Paris qui tremble pour moi. Ma vie c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Ah. Hey. Kimono et Coca-Cola. Du sac et chaud à Osaka. Avec les geishas, Japon, t'es pas tout à fait ça. T'es pas tout à fait ça. T'es pas tout à fait ça. Ah ah.